déchets, mélangés aux ordures, nos ardeurs seront plus sûres. Tu crois que ta beauté pourrait me subjuguer? Je ne suis pas sensible à cette face cachée. La communication devient ton obsession. Pourtant c'est dans le virtuel, tu cherches ta gamelle. Tu peux me retrouver dans la benne à déchets. J'y trouverai bien un chat pour calmer mes ardeurs. Tu te donnes un profil pour parler de ta vie. C'est toujours le profit qui inspire ton envie. Tu trompes tes compagnons par des actions bidons, car toujours le pognon doit porter ton action. Tu peux me retrouver dans la benne à déchets, dans ce lieu parfumé d'odeurs décomposées. Ces idées déféquées en toute sérénité souhaiteraient parfumer de bonheur vos pensées. Caressez donc le chat, serrons vos emportes, que l'animosité sorte, l'amour nous y exhorte. Tu peux me retrouver dans la benne à déchets, mélangés aux ordures, nos ardeurs seront plus sûres.